Seigneur, les hommes pieux disparaissent. La fidélité se perd parmi les fils de l'homme. On se dit des paroles fausses avec un cœur double en part. Que l'Éternel retranche toutes les lèvres flatteuses, la langue qui parle avec arrogance. Ils disent notre langue aura le dessus, qui serait cette génération.